السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée, excepté Allah, seul sans associé. Et j'atteste que notre prophète Mohammed est son serviteur et messager. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui. Dans le cours précédent, nous avons abordé et souligner en guise d'introduction quelques points importants. On avait souligné que l'apprentissage et l'étude de la science religieuse faisaient partie des meilleures œuvres par lesquelles se rapproche le serviteur de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Car cette dernière, c'est-à-dire l'étude de la science religieuse, prime sur la parole et l'action. Prime sur la parole et l'action. Ainsi, l'acte d'adoration, il n'est valide que lorsqu'il provient d'une science religieuse. On avait également cité que parmi les mérites de l'apprentissage de la science religieuse, il y avait le fait qu'Allah Azzawajal facilite un chemin vers le paradis à celui qui emprunte cette voie, à celui qui étudie et qui apprend cette science religieuse. Parmi les mérites également que nous avons cités, il y a le fait que cette science religieuse soit l'héritage que nous a laissé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit qu'il n'y avait rien parmi ce qu'on peut trouver dans ce bas monde et dans cette vie d'ici-bas qui égale la science religieuse. Du fait que ça soit l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les points que nous avons soulignés, il y avait l'importance d'étudier la science du tawhid, la science de la ilaha illallah. On avait dit que cette science, c'est-à-dire la science de l'attestation qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adoré, excepté Allah, que cette science était la science la plus importante à étudier. Car c'est le premier pilier de l'islam. Bien sûr, en rajoutant l'attestation que le prophète Mohammed est le messager d'Allah et son serviteur. Donc, le tawhid, l'attestation de la ilaha illallah est le premier pilier de l'islam, de la religion, et le plus grand pilier. C'est la branche la plus importante de la foi. On avait également dit que cette parole, la ilaha illallah, est la base de l'islam et son fondement. Et que sa mise en pratique, c'est-à-dire vouer un culte exclusif à Allah, était le premier ordre qu'Allah Azzawajal nous a ordonné. Et que ceci était le but ultime de notre vie ici-bas. Mettre en pratique cette parole immense. On avait également dit que c'est par cette parole, la ilaha illallah, que nous différencions les croyants des mécréants. Et que c'est par cette parole que la différence sera faite entre les bienheureux habitants du paradis et les malheureux habitants de l'enfer. Ensuite, le dernier point que nous avons souligné dans l'introduction du cours précédent, c'était que ce qui est demandé, ce n'est pas seulement de prononcer cette attestation, La ilaha illallah. Ce n'est pas seulement de prononcer ou dire il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. Mais qu'il fallait aussi connaître son sens et mettre en pratique ce qu'elle implique. Ainsi, il faut absolument que les conditions de cette attestation, que les conditions de la ilaha illallah soient réunies afin que cette parole soit bénéfique pour celui qui la prononce. Et hier, nous avons commencé l'étude du livre Les conditions de la ilaha illallah. Les conditions de il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. Écrit par l'auteur, le cheikh et grand savant Abdurrahman ibn Hassan. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ensuite, nous avons commencé et abordé la première condition, qui est la connaissance du sens de la ilaha illallah. Le cheikh ensuite il dit en termes d'affirmation et de négation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'attestation la ilaha illallah inclut ou comprend deux choses. Qu'elle comprend une négation et une affirmation. Et les savants disent, en explication, ils disent, elle comprend une négation générale, on peut dire aussi un rejet général, et une affirmation exclusive, particulière. La négation générale, ou le rejet général, est dans la première moitié de l'attestation. Quand on dit il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée. C'est ceci le rejet général. On se doit de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'on dit c'est un rejet général. Général, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi les divinités, on se doit de le rejeter fermement. Et l'affirmation exclusive, c'est dans la deuxième moitié, quand on dit sauf Allah. On affirme exclusivement tous nos actes d'adoration à Allah, seul, sans rien lui associer. C'est pour cela qu'on dit affirmation exclusive, affirmation particulière. Donc, en résumé, dans l'attestation, il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée. Ceci est une négation, un rejet général. Sauf Allah, ceci est l'affirmation exclusive. Barakallahu fikum. Ensuite, le cheikh, il a cité une première preuve que nous avons vue hier. C'était le verset quand Allah Azzawajal il dit Fa'alam. Annahu la ilaha illallah. La traduction du sens rapproché ici, c'est Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée à part Allah. On avait expliqué qu'Allah Azzawajal ici, il avait utilisé l'impératif du verbe savoir, sache. Et c'est ça qui démontrait et qui clarifiait. Ou c'est ceci qui démontre et qui clarifie l'obligation du savoir, l'obligation de la connaissance du sens la ilaha illallah. Ensuite, il a cité une autre parole d'Allah Azzawajal qui dit Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. La traduction du sens rapproché ici. À l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Fin du verset. L'explication du verset ici, c'est à l'exception de ceux qui auront témoigné de la ilaha illallah en pleine connaissance de cause. Quel est leur état à ces gens-là quand ils témoignent et qu'ils attestent que nulle divinité n'a en droit d'être adorée si ce n'est Allah? L'état de ces gens-là quand ils attestent ou quand ils prononcent cette attestation, c'est qu'ils le font avec science et avec connaissance, en pleine connaissance de cause, comme a dit Allah Azzawajal à la fin du verset. Quand ils disent cette attestation, ils savent qu'il est de leur devoir de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et d'affirmer toutes les adorations à Allah seul. À Allah seul. Et ce verset, donc, montre bien que la science et la connaissance de la signification de la ilaha illallah fait partie des conditions de cette attestation. Le cheikh Hafidhahullah a aussi cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre l'obligation de connaître le sens et la signification de cette attestation de la ilaha illallah. Il dit, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, wa min as-sunnati al-hadith al-thabit fi al-sahih عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. En français, le cheikh dit: et la preuve de la sunnah, le hadith authentique rapporté dans l'authentique, d'après Uthman, qu'Allah le très haut l'agrée, qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque meurt en sachant que la ilaha illallah, c'est-à-dire en sachant que nul n'a le droit d'être adoré à part Allah, entrera au paradis. Ici, le témoin argumentatif dans ce hadith, ou la preuve qui démontre que le savoir et la connaissance du sens de la ilaha illallah est une obligation et une condition, c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: quiconque meurt en sachant que, cette phrase-là, en sachant que, ceci indique le savoir et la connaissance de cette attestation. Donc il dit: quiconque meurt en sachant que nul n'est en droit d'être adoré, excepté Allah, entrera au paradis. Donc que doit faire la personne qui désire avoir cette grande récompense? C'est l'entrée au paradis. Que doit-il faire? Il doit avoir la connaissance et le savoir de la signification du sens de la ilaha illallah en termes de négation, de rejet total de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azzawajal. Ainsi qu'en affirmant exclusivement l'adoration à Allah seul. Donc, le fait de dire ou de prononcer cette attestation sans la connaissance et le savoir de son sens ne sera pas bénéfique pour la personne qui prononce cette parole, jusqu'à ce qu'elle remplisse la condition de la connaissance, le savoir du sens de cette attestation, ainsi que les autres conditions dont nous allons traiter le sujet, incha'Allah ta'ala. Et sachez également qu'Allah vous fasse miséricorde, que fait partie du savoir et de la connaissance du tawhid d'apprendre son contraire, d'étudier le contraire du tawhid, le contraire de l'unicité. Non pas pour mettre en pratique ce contraire, car c'est un mal. Le contraire du tawhid, c'est le shirk, c'est le fait d'associer, de donner des associés à Allah Azzawajal dans nos actes d'adoration. Ici, si on étudie le contraire du tawhid, comme j'ai dit, ce n'est pas pour mettre en pratique ceci, car ceci est interdit et haram, mais c'est plutôt pour s'en éloigner, pour s'en éloigner, qu'Allah nous en préserve. Et ici, je conseille d'étudier Kitab Tawhid, le livre de l'unicité, du grand savant Cheikh Mohammed At-Tamimi, qui est expliqué par la grâce d'Allah Azzawajal par de nombreux savants. Et alhamdoulillah, on trouve beaucoup de nos prédicateurs français, salafis, qui ont fait l'explication de cet ouvrage. Ceci, inshallah ta'ala, se trouve dans leur site. Alhamdulillah. Donc, étudier le tawhid pour le mettre en pratique et étudier son contraire, le shirk, le fait de donner des associés à Allah dans nos actes d'adoration pour s'en éloigner. Il y a une chose que j'ai oublié de mentionner dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: quiconque meurt en sachant qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée, excepté Allah, entrera au paradis. Dans la parole du prophète, entrera au paradis. Soit le serviteur entrera au paradis sans passer par l'enfer, ou soit il passera par l'enfer pour être nettoyé de ses péchés. Mais sa fin, sa dernière demeure, sera, inshallah ta'ala, le paradis. Donc ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit entrera au paradis, c'est-à-dire que sa dernière demeure sera le paradis. Soit il y entrera directement, soit il passera par l'enfer afin de se faire purifier et nettoyer de ses péchés. Qu'Allah Azzawajal nous préserve, nous protège du feu de l'enfer et nous ouvre les portes du paradis. Ensuite, le cheikh dit dans son livre, après avoir terminé la première condition, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. La deuxième condition, c'est la certitude, qui est la perfection de la connaissance de la ilaha illallah, qui est contraire, yani qui s'oppose au doute et à l'incertitude. C'est-à-dire que celui qui la prononce, celui qui prononce cette attestation, celui qui prononce il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah, doit avoir la certitude ferme, sans que celle-ci ne soit entachée de doute et d'incertitude. Et la certitude est la science complète et parfaite. C'est la science, c'est la connaissance du sens de la ilaha illallah, d'une connaissance complète et parfaite. Ensuite, le cheikh, il a cité la preuve que la certitude est une condition parmi les conditions de la ilaha illallah. Il a cité la parole d'Allah, le Très-Haut. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. La traduction du sens de la parole d'Allah Azzawajal ici, c'est les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Fin du verset. Et ainsi, la condition de la véracité de leur foi en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, est le fait qu'ils ne doutent point. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de doute dans leur foi en Allah, dans leur foi en l'islam, dans le fait de vouer tous leurs actes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azza wa jal. Et ils n'ont pas de doute également dans leur foi au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui doute, il fait partie des hypocrites. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie. Allah, le Très-Haut, a donc décrit le véritable croyant ou les véritables croyants comme étant des personnes qui ne doutaient point. C'est-à-dire qu'ils ont la ferme certitude. Ainsi, fait partie des conditions de la ilaha illallah de prononcer cette parole avec certitude. Ensuite, le shir, rahimahullah, a cité une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui démontre et qui indique que la certitude est une condition parmi les conditions de la ilaha illallah. Il a dit, le cheikh a dit, et la preuve de la sunna est le hadith rapporté de manière authentique d'après Abu Huraira, d'après le compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'atteste que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, et que je suis le messager d'Allah. Ensuite, il continue, le prophète continue de dire, un serviteur ne rencontrera pas Allah avec ses deux, c'est-à-dire avec les deux attestations de foi, n'ayant pas de doute à leur sujet, à toutes deux, sans qu'il n'entre au paradis. Ici, l'explication de la parole du prophète, j'atteste que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah et que je suis le messager d'Allah. Ceci est la reconnaissance de l'unicité d'Allah Azzawajal, la reconnaissance du fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ainsi que la reconnaissance ou le fait de reconnaître le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ces deux reconnaissances qui sont voulues dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vais relire quand il dit, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée à part Allah. Ça, c'est la première reconnaissance, la première attestation. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et que je suis le messager d'Allah. Ça, c'est la deuxième reconnaissance, reconnaître ceci, la deuxième attestation. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, un serviteur ne rencontrera pas Allah avec ces deux, c'est-à-dire avec ces deux attestations, ces deux reconnaissances. Ensuite, à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit l'état du croyant quand il atteste de ces deux attestations. Comment doit être l'état du croyant quand il atteste de ces deux attestations? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ayant pas de doute à leur sujet. Quel est le contraire du doute? C'est la certitude. C'est-à-dire qu'ils doivent attester de ces deux attestations, reconnaître ces deux attestations, comme on l'a expliqué précédemment. Comment? Avec certitude, n'ayant aucun doute à leur sujet, au sujet de ces deux attestations. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il finit en citant et en nous informant de la récompense de celui qui atteste de la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Et il dit, sans qu'il n'entre au paradis. Ainsi, le témoin argumentatif ou la preuve dans le hadith, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, n'ayant pas de doute à leur sujet. C'est-à-dire le dire avec certitude. N'ayant pas de doute à leur sujet. Au sujet de ces deux attestations. Donc, on comprend du hadith que quiconque doute en ces deux attestations, l'attestation qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée à part Allah et que Mohammed est son messager, quiconque doute en cela, alors son attestation n'aura pas de valeur. Et il n'aura, cette personne, n'aura alors pas rempli les conditions de la ilaha illallah. Et n'aura pas la récompense du paradis. Ensuite, le cheikh, l'auteur du livre, dit, et dans une autre version, c'est-à-dire dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة فيحجب عن الجنة. En français, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Un serviteur ne rencontrera pas Allah tout en n'ayant pas de doute à leur sujet, à toutes deux. C'est-à-dire n'ayant pas de doute au sujet des deux attestations de foi, sans que le paradis ne lui soit voilé. Fin du hadith. Et cette version que nous venons de lire est la même formulation que le hadith qu'on a cité avant celui-ci, sauf qu'il y a une légère, une petite différence. Dans cette version, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à la fin du hadith, sans que le paradis ne lui soit voilé. C'est-à-dire que cette personne qui atteste de ces deux attestations avec certitude, sans aucun doute dans son cœur, alors cette personne ne sera pas empêchée d'entrer au paradis. Ainsi, ce hadith montre très clairement que le fait de prononcer ces deux attestations, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, le fait de prononcer ces deux attestations seul, sans la croyance avec le cœur, cela ne suffit pas pour concrétiser la foi, pour concrétiser la foi. Mais qu'au contraire, Il fallait absolument avoir la certitude dans son cœur. Avoir la certitude dans son cœur, sans aucun doute. Et c'est cette foi-là et cette croyance qui sauvera le serviteur d'être dans le feu de l'enfer éternellement. Si bien sûr il doit passer par l'enfer à cause de ses péchés. Qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Donc, cette foi-là, il faut absolument qu'il y ait en elle la croyance du cœur ainsi que sa prononciation. Le fait de prononcer La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Car certes, la foi, la définition de la foi, c'est la croyance par le cœur. La croyance avec le cœur et la prononciation par la langue. Et troisième chose qui fait partie intégrale de la foi, c'est la mise en pratique, c'est les actes d'adoration par les membres. Ces trois choses-là font partie de la foi. La croyance par le cœur, la prononciation par la langue et les actes d'adoration par les membres. Et il y a un autre point que j'aimerais éclaircir par rapport à la fin de ce hadith dans la parole du prophète, sans que le paradis ne lui soit voilé. On a dit que cela voulait dire que le serviteur qui prononce ces deux attestations de foi avec certitude, sans aucun doute, alors il ne sera pas empêché d'entrer au paradis. Il se peut que ce serviteur qui atteste des deux attestations avec certitude, ce serviteur, il se peut qu'il soit empêché temporairement d'entrer au paradis. Cela peut toucher certaines personnes qui sont sur le tawhid, qui sont sur l'unicité. Mais ils ont quand même été empêchés temporairement. Pourquoi? En raison du fait qu'ils ont commis des grands péchés. Comme l'indiquent beaucoup de hadiths au sujet de l'intercession. Cela, donc, à qui Allah Azzawajal n'aura pas pardonné, alors ils devront être purifiés de leurs péchés en entrant un certain temps en enfer. Mais leur dernière demeure sera le paradis. C'est pour ça qu'on le dit ici qu'ils auront ou qu'ils seront empêchés temporairement d'entrer au paradis. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, a cité un autre hadith qui prouve que la certitude est une condition parmi les conditions de la ilaha illallah, parmi les conditions de l'attestation de foi. Il dit, et d'après Abu Hurayrata aussi, dans un long hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man laqita min wara'i hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illallah مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. En français, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque tu rencontreras derrière ce mur, attestant que nul n'est en droit d'être adoré, à part Allah, ayant la certitude quant à cette attestation dans son cœur, alors annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. Fin du hadith. Donc, on comprend ici que celui qui n'a pas la certitude dans son cœur quant à cette attestation, l'attestation de la ilaha illallah, on comprend de cela qu'il ne lui sera pas annoncé la bonne nouvelle du paradis. Cela montre et indique que la certitude est une obligation et est une condition de la ilaha illallah. Et le témoin argumentatif du hadith, la preuve, est claire dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « ayant la certitude dans son cœur quant à cette attestation ». L'attestation qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée, excepté Allah. Ainsi, on peut déduire ici des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons lues et citées précédemment, que parmi les mérites et les vertus du tawhid, de la ilaha illallah, les mérites et vertus de cette attestation est que c'est une cause d'entrée au paradis pour celui qui meurt sur le tawhid en ayant la certitude quant à cela, quant au tawhid et à cette attestation. Alhamdulillah, on a fini ici la deuxième condition de la ilaha illallah. On va commencer, inshallah ta'ala, la troisième condition. Le shir, rahimahullah, dit: la troisième condition, la sincérité, qui est l'opposé de l'association ou du polythéisme. Ici, qu'est-ce que signifie la sincérité dans la parole du cheikh? Ici, le voulu par le mot la sincérité, c'est épurer et purifier son adoration de toute souillure, de toute impureté, d'association et d'ostentation. On peut dire aussi nettoyer son acte d'adoration de toute impureté apparente et cachée. Ainsi, on comprend ici que pour être sincère, ou pour concrétiser cette condition, la condition de la sincérité, il faut absolument s'éloigner de toute forme d'association, de polythéisme et de toute forme d'ostentation. C'est pour cela que j'ai trouvé important d'expliquer et de définir en quelque sorte qu'est-ce que l'association à Allah, qu'est-ce que le fait d'associer à Allah. Sachez qu'Allah vous préserve, que les savants divisent l'association à Allah en deux catégories. La première catégorie, c'est l'association majeure, et la deuxième, c'est l'association mineure. On va commencer par la première, qui est l'association majeure. Qu'est-ce que l'association majeure? C'est mettre autre qu'Allah au même niveau qu'Allah Azzawajal, dans ce qui fait partie des spécificités d'Allah. Et un exemple, pour mieux comprendre ceci, c'est, par exemple, parmi les spécificités d'Allah Azzawajal, c'est que c'est lui le pardonneur. C'est lui qui pardonne les péchés de ses serviteurs. Maintenant, si une quelconque personne donne cette spécificité qui est spécifique à Allah Azzawajal, le fait de pardonner les péchés, celui qui donne cette spécificité à autre qu'Allah Azzawajal, alors il aura commis l'association majeure. Un autre exemple, parmi les exemples de l'association majeure, parmi les spécificités d'Allah Azzawajal. Également, il y a le fait que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Par conséquent, quiconque voue un acte d'adoration à autre qu'Allah, comme l'invocation, comme la prière, ou l'aumône, ou tout autre acte d'adoration, il aura alors, celui qui fait cela, il aura alors commis un acte d'association majeur. Qu'Allah nous en préserve. Et il faut savoir que cette catégorie, c'est-à-dire l'association majeure, il faut savoir qu'elle annule toutes les actions. Il faut savoir également que l'association majeure, celui qui la commet et qui ne s'en repent pas, alors il est voué à l'enfer éternel. Également, l'association majeure fait sortir celui qui la commet de l'islam. Il ne fait plus partie des musulmans jusqu'à ce qu'il se repent. Jusqu'à ce qu'il se repent sincèrement envers Allah Azzawajal de ce grand péché. Ensuite, la deuxième catégorie d'association, c'est l'association mineure. Et celle-ci désigne l'ensemble des paroles et des actes qui mènent à l'association, qui mène au polythéisme, comme l'exagération à l'égard d'un être, sans que cela n'atteigne le degré de l'adoration. Et également, parmi les exemples de l'association mineure, il y a le fait de jurer par autre qu'Allah, sans pour autant vénérer cet être. Cet être par lequel on a juré. Ce sera appelé aussi de l'association mineure. Également fait partie de l'association mineure ce qu'on appelle l'ostentation. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit au sujet de l'ostentation, il dit: Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Il dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le traduis en français, il dit: Ce que je crains le plus pour vous est l'association mineure. Il fut alors questionné au sujet de cette association, de l'association mineure, et il, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu: l'ostentation, c'est l'ostentation. Fin du hadith. Donc, on comprend du hadith ici très clairement que la crainte la plus grande que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour nous, pour sa communauté, c'est quoi? C'est l'ostentation. Et l'ostentation, c'est le fait de faire voir ou montrer son acte d'adoration en ayant pour intention qu'il soit vu par les gens et que, par la suite, ces gens-là fassent son éloge en raison de son acte d'adoration. Ceci est l'ostentation. Faire voir l'acte d'adoration en ayant pour intention qu'il soit vu par les gens et que donc par la suite ces gens-là fassent l'éloge de cette personne par rapport à son acte d'adoration. Donc, parmi les péchés contre lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, c'est d'apparaître avec une apparence d'adoration, en ayant pour intention d'obtenir l'éloge des gens. Car c'est une association dans l'adoration. Et même si celle-ci est une association mineure, son danger est immense, car elle annule l'acte d'adoration auquel elle est liée. Et en plus de voir son action rejetée, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas l'association mineure. Et ceci selon plusieurs avis de savants. Et par conséquent, celui qui meurt en ayant fait de l'association mineure, ne s'étant pas repenti, alors il devra passer par l'enfer, qu'Allah nous en préserve, afin de se faire purifier des actes d'association mineure qu'il aura fait dans cette vie d'ici-bas. Et ensuite, comme on l'a dit précédemment, après s'être fait purifier de ses péchés, sa demeure finale sera le paradis. Ainsi, il est important de faire un maximum de causes afin de ne pas tomber dans l'association, qu'elle soit majeure ou mineure, car elle a de graves conséquences, qu'Allah facilite. Et parmi les causes, afin de se préserver de l'association, il y a les invocations. Invoquer Allah Azzawajal. Et parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait afin de se préserver de l'association, il y a sa parole sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam. En français, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans l'invocation: Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quoi que ce soit alors que je sais. Et je te demande pardon pour le péché que je ne sais pas. Fin du hadith. Il nous incombe donc ici d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et invoquer Allah azzawajal par le biais de cette invocation. Et parmi les causes également, afin de se préserver de l'association, qu'elle soit majeure ou mineure, c'est l'étude de la science. Étudier le tawhid afin de le mettre en pratique et étudier le shirk, étudier l'association et ses catégories afin de ne pas tomber dans ceci, dans ce mal, dans le mal de l'association. Comme disait le compagnon Hudhayfat ibn al-Yamen, qu'Allah l'agrée, il disait: Je questionnais le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du mal afin de ne pas tomber dans ce mal. Ici, nous devons donc imiter ce grand compagnon et questionner et étudier l'association et ses catégories afin de ne pas tomber dans ceci. Ensuite, après avoir clarifié les deux catégories d'association qui sont l'association majeure et l'association mineure, j'aimerais citer quelques différences entre les deux, entre ces deux catégories d'association. La première différence, c'est que l'association majeure annule toutes les actions celui qui fait de l'association majeure, alors toutes ses actions seront annulées et il sortira de l'islam. Alors que l'association mineure annule l'action à laquelle elle est liée. La deuxième différence, c'est que l'association majeure, celui qui la commet, est voué à l'enfer éternel. Bien sûr, là on parle d'une personne qui commet l'association majeure sans s'en repentir. Alors que l'association mineure n'a pas pour conséquence le fait de rester éternellement en enfer. La troisième différence, c'est que l'association majeure fait sortir celui qui la commet de l'islam, alors que l'association mineure ne fait pas sortir de l'islam. Ça, c'est trois différences qu'il y a entre ces deux types ou catégories d'associations. Ainsi, après avoir clarifié les catégories d'association, on comprend mieux la signification de la sincérité. Et comme on l'a dit précédemment, c'est purifier ses actes d'adoration de toute catégorie d'association et d'ostentation. Ensuite, le shir, qu'Allah lui fasse miséricorde, va citer l'épreuve du Coran et de la Sunna concernant le fait que la sincérité est une obligation et que la sincérité est une condition parmi les conditions de la ilaha illallah, parmi les conditions de l'attestation. Il dit, rahimahullah, et la preuve de la sincérité est la parole d'Allah, le Très-Haut. Ala lillahi d-dinul khalis. La traduction du sens rapproché ici, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Fin du verset. Ici, le grand savant Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit à propos de ce verset, c'est-à-dire, adore donc Allah seul sans lui donner d'associé. Et appelle les gens à cela et fais-leur savoir que l'adoration ne peut être que pour lui, c'est-à-dire que pour Allah seul, et qu'il, c'est-à-dire, et qu'Allah n'a pas d'associé, ni pareil, ni égal. Et c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a dit, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. C'est-à-dire, n'est acceptée comme action que celle dont la personne qui l'a faite l'avoue de manière exclusive à Allah seul sans lui donner d'associé. Fin de citation. Fin de la parole d'Ibn Kathir. Ainsi, l'explication du grand savant Ibn Kathir que nous avons cité montre très clairement que le verset est une preuve concernant le fait que la sincérité est une condition parmi les conditions de la ilaha illallah. Ensuite, l'auteur du livre, le shir, a cité un deuxième verset, une deuxième preuve concernant le fait que la sincérité est une condition parmi les conditions de la ilaha illallah, et il a dit, et sa parole, c'est-à-dire, et la parole d'Allah qui dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. La traduction du sens rapproché ici, il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Fin du verset. Ici, l'imam, le grand savant, Abdurrahman Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans l'explication de ce verset, il ne leur a été commandé, ordonné, dans toutes les législations, que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire qu'il n'est pour intention dans toutes leurs adorations apparentes et cachées, qu'il n'est pour intention que la face d'Allah Azzawajal et de chercher à se rapprocher de lui. Tout en se détournant et s'écartant de toutes les religions qui s'opposent à la religion du Tawhid, c'est-à-dire à la religion de l'unicité. Et là, ceci revient à purifier ses actions de tout type d'association, qu'elles soient majeures ou mineures, afin de concrétiser la sincérité dans notre attestation La ilaha illallah. Et le témoin argumentatif dans le verset, la preuve que la sincérité est une condition et une obligation, c'est la parole quand Allah a dit, il ne leur a été commandé, il ne leur a été ordonné. C'est un ordre. Et ceci indique l'obligation d'être sincère, l'obligation de concrétiser la sincérité. Ensuite, le cheikh et auteur du livre a cité des preuves parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des preuves concernant le fait que la sincérité soit une condition parmi les conditions de la ilaha illallah. Le cheikh dit ici et de la sunna, c'est-à-dire et parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith rapporté de manière authentique, dans l'authentique, c'est-à-dire dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, d'après le compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sera le plus heureux en raison de mon intercession sera celui qui a dit La ilaha illallah sincèrement de son cœur ou de son for intérieur. Fin du hadith. Et sachez ici que dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit celui qui sera le plus heureux en raison de mon intercession. Ici, le voulu par la parole du prophète, mon intercession, c'est l'intercession pour ceux qui ont commis des péchés majeurs parmi les gens de l'unicité, c'est-à-dire parmi les musulmans. Et cette intercession aura lieu le jour du jugement dernier. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé dans des hadiths qu'il va intercéder en faveur des gens de l'unicité, en faveur des musulmans qui ont commis des péchés majeurs. Cette intercession concerne donc ceux qui méritaient d'aller en enfer du fait qu'ils ont commis des grands péchés, mais ils n'y sont pas rentrés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé en leur faveur. Et elle concerne également, cette intercession concerne également celui qui est entré en enfer du fait qu'il ait commis des grands péchés, qui est ensuite sorti de l'enfer, et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé en sa faveur afin qu'ils sortent de l'enfer vers le paradis. Ici, C'est cette intercession qui est voulue dans ce hadith. Mais, comme dit dans le hadith, pour bénéficier de cette intercession, l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut remplir les conditions de la ilaha illallah, comme ceci est clairement dit dans le hadith. Et parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a la certitude. Comme dit dans le hadith, celui qui sera le plus heureux en raison de mon intercession sera celui qui a dit, il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. Il dit cela sincèrement. C'est ça le témoin argumentatif, la preuve dans le hadith, qui dit cela sincèrement de son cœur. Ou on peut traduire ça par, il dit cela sincèrement de son for intérieur. Ainsi, il nous est obligatoire de concrétiser cette condition, la condition de la sincérité. Ensuite, le cheikh et auteur du livre a cité un deuxième hadith, une deuxième parole du prophète concernant l'obligation de concrétiser la sincérité dans notre attestation, la ilaha illallah. Il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, et dans l'authentique, c'est-à-dire dans l'authentique de l'imam al-Bukhari wa Muslim, d'après le compagnon, qu'Allah l'agrée, le compagnon Itsban ibn Malik, qu'Allah l'agrée, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Inna Allaha harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allahi 'azza wa jalla. En français, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a certes interdit l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah. Allah a certes interdit l'enfer à celui qui dit il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. Qui dit cela, désirant par cette attestation la face d'Allah, le visage d'Allah, Azza wa Jal. Fin du hadith. Ainsi, ici, le témoin argumentatif est la preuve concernant la sincérité et le fait d'être sincère quand on prononce cette attestation, c'est dans la parole du prophète, désirant par cela la face d'Allah, Azza wa Jal. Et cela indique qu'il doit être, celui qui dit cette attestation, il doit être sincère et véridique, et ne doit pas la prononcer par ostentation, ni par habitude. Et également, il ne doit pas la prononcer en imitant une quelconque personne. Il ne doit pas la prononcer en imitant des proches ou des gens de sa famille. Mais il doit la prononcer avec connaissance de son sens, avec certitude, tout en étant sincère envers Allah Azza wa Jal, avec sincérité, en voulant par cela le visage ou la face d'Allah Azza wa Jal. On a ainsi, par cela, terminé la troisième condition, la condition de la sincérité. Et on finira, Inch'Allahu ta'ala, le reste des conditions de la ilaha illallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la science bénéfique ainsi que l'action pieuse, l'action acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirukallahumma wa atubu ilayk.